Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du podcast French Running. N'hésitez pas à écouter la version anglaise que vous pouvez trouver sur le même site. Cette fois-ci, comme la fois dernière, je suis avec ma femme et co-coureuse Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Donc Claire, qu'est-ce que tu as fait comme course récemment ? Comme tu le savais, on a fait le parkrun ensemble. Récemment. Et en fait c'était très très bien parce qu'on avait décidé à l'avance que tu allais faire le rythme, enfin la cadence pour moi, pour essayer de finir pour moi en moins de 30 minutes. Oui, on s'est mis d'accord que j'allais te forcer de courir un peu plus vite que d'habitude. Oui. Afin d'atteindre ton objectif. Voilà. Bon, ça a bien marché, j'ai bien terminé au moins de 30 minutes. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la fête de finir au moins de 30 minutes, mais c'était dur. Mais bon, comme tu le dis... No cool. Pain, no gain. No pain, no gain, exact. Et je pense que tu aurais eu un meilleur temps. Bah oui. Si tu n'étais pas tombée. C'est ça, donc j'ai trébuché... une racine. En plus, ça glissait un petit peu dans la forêt ce jour-là. Et voilà, bon, je suis tombée. Mais je pense que c'était le fait de courir plus vite que d'habitude. J'avais moins de repères. Je sais pas, j'étais un peu de vertige d'aller si vite. Je connaissais pas ce rythme. Oui, c'est vrai que ça change un peu. Mais en même temps, t'as couru en dessous de 29, non ? Ou juste un peu plus. Oui, non, c'était 28, 59 ou quelque chose. Donc je pense qu'à cette allure-là, je pense que tu peux viser 27, 50 ou 28 pile. Oui, peut-être, on verra. Oui, pour voir. Et aussi, on a couru cette semaine aussi, enfin le week-end dernier, on a couru aussi avec ta copine. Oui, donc j'ai eu ma copine Brina qui est venue pour le week-end de Londres. Et donc on avait proposé de faire un parkrun ensemble. Et voilà, donc elle est venue avec nous et puis c'était la première fois pour elle et sais pas si elle a beaucoup aimé. Bon, tu vas parler avec elle pour le podcast. Oui, je sais pas si elle était bien partante ou pas, mais en fait on va découvrir ça dans notre interview avec, dans mon interview avec elle plus tard dans le podcast. Exact. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la course à pied de rigolo en ce moment? Il y avait au marathon de Chicago, il y a un mois, un peu plus d'un mois, il y avait un gars qui a couru, il a battu le record pour le marathon le plus rapide en jonglant sans faire tomber un ballon. Ouais, incroyable. Donc, incroyable de juste l'idée de le faire. Oui, déjà. Et puis il a fini sans faire tomber un ballon, il a fini en 2h55. Ouais, c'est épatant. J'imagine même pas la concentration qu'il faut pour finir un marathon en 2h55, en plus en jonglant. Oui. Enfin, la concentration que ça doit prendre pour prendre le bon rythme, pour toujours faire chaque pas avec les balles, de ne les pas faire tomber, c'est vraiment incroyable. Chapeau. Mais apparemment, il était très stressé vers la fin parce que comme il avait presque terminé le marathon, il ne voulait pas rater juste au dernier moment. Donc j'imagine que... Ah oui, plus la ligne d'arrivée approche, ouais. Plus le stress doit monter. La pression, oui, exact. Mais j'ai aussi lu que dans son Twitter, elle a écrit que quelques jours plus tard, juste après, donc il avait réussi le marathon en jonglant. Et puis, il a fait tomber son téléphone, il a cassé une table ou quelque chose, je ne sais plus exactement. Mais donc, ce n'est pas toujours quelqu'un de très... Très adroit. Oui, très adroit. Oui, c'est vrai que vaut mieux le faire tomber son téléphone après le marathon que faire tomber un ballon pendant la course. Alors ensuite, il y avait aussi... j'avais vu il y a quelques mois, c'était en fin d'été, au mois d'août, il y avait the Beer Mile. Donc c'est une course où il faut courir un mile, donc ça fait 1600 mètres. Et à chaque tour de la piste, il faut boire une bière. Et après, tu fais encore un tour de piste. Et après, donc chaque tour, tu bois une bière. Oui, j'ai regardé une vidéo. C'était un Canadien qui a gagné la Voilà, c'est un course. jeune Canadien, Corey Belmore, 21 ans. Et il a battu à Londres le 31 juillet. Et c'est un temps hallucinant. Il a fini ça en 4 minutes 34, 35. Donc 4 heures, 4 minutes 34 pour un mile, c'est déjà très très bien. Mais à chaque fois, il buvait une bière. Ouais, avec les bulles et tout ça, Ah oui, ça va pas être sympa quoi. ça doit faire comme une machine à laver Ouais, dans l'estomac. ça doit être sympa, mais à ce rythme-là, à cette allure-là, il faut. C'est pas mon idée de plaisir, ça. Non. Donc, à la suite de ça, il y a aussi un nouvel événement aux États-Unis. Donc, après le Beer Mile, on a le Pizza Mile. Donc, c'est la même chose. Il faut courir un mile, donc 1600 mètres. Et après chaque tour de piste, il faut manger une part de pizza. Ouais, ça c'est, je sais pas, limite un peu dégueu, non? Ouais, c'est un peu dégueu, ouais. En fait, la part est, elle est comment? Elle est grande, la part de En pizza fait, qu'il faut manger? j'ai regardé quelques photos sur le web et je ne vois pas exactement la taille de la part de pizza. Donc, à mon avis, c'était pas énorme, mais quand même, il faut le faire, quoi. Et puis il faut s'arrêter pour manger ou on court avec la moitié dans la bouche ou Bah, enfin ça justement, s'arrête comment? j'ai vu quelques photos où il y avait une femme qui avait la moitié de la pizza qui dépassait le qui descendait le montant, tu vois. Donc, ouais, c'était ça. Je Ouais. préfère largement faire le Beer Mile que le Pizza Mile. Vraiment, ni l'un ni l'autre. Pour moi, le mieux, c'est ouais, très classique, courir et puis manger pizza et boire la bière après. Enfin, séparément, quoi. Ouais, donc cet événement c'était à Philadelphie et c'était le West Philly Runners qui l'ont fait. Et il y avait 25 participants qui l'ont fini. Et le gagnant, le premier garçon, il a fini en 6 minutes 32. Pas mal, hein? Ouais, Pas mal. Juste c'est en courant, ouais. c'est pas mal. Et la femme en 9 minutes 47. Bon, on peut dire que si tu as vraiment besoin de gagner un peu de temps, comme ça tu manges en même temps de courir, donc tu fais ton sport, tu as déjà mangé, bon voilà, Ouais, mais je pense que pour moi, c'est s'asseoir, profiter ça. bien de sa pizza, c'est mieux que C'est pas très reposant, non. c'est. Alors moi qui suis en train de préparer le marathon, je sais pas si j'en ai parlé, une ou deux fois Ah peut-être. oui, une autre fois. J'écoute plusieurs podcasts en anglais, dont un Marathon Talks. Je suis fan, j'écoute chaque épisode. Et récemment, il y avait un interview avec un certain Barry Smith, un professeur en informatique à l'Université College de Dublin, qui est aussi marathonien. Donc lui, il a fait une étude sur l'allure des marathons et l'importance d'avoir une allure régulière. Donc il a évalué les données de plus de 4000 coureurs sur les marathons un peu partout dans le monde, Chicago, Dublin, Berlin, Tokyo, etc. Donc ses conclusions étaient vraiment intéressantes. Donc selon lui, les 5 premiers kilomètres sont primordiaux. C'est-à-dire que si les 5 premiers kilomètres de ton marathon sont les plus rapides, tu vas mal finir ton marathon. Donc il faut vraiment démarrer de manière doucement, on va dire, et de manière constante. Oui, donc il faut pas partir trop vite. Non. Donc selon son étude, sur tout coureur confondu, 30% démarrent trop vite. Pour ceux qui courent leur premier marathon, jusqu'à 70% démarrent trop vite. Et chez les marathoniens qui finissent en 3 heures, donc ceux qui vont assez vite, il y a seulement 5% qui démarrent trop vite. Donc je pense qu'avec l'âge, Oui, avec l'expérience et l'expérience. l'âge. Et ce qui en ressortait qui était super intéressant, c'était que les femmes sont bien plus régulières en termes d'allure, sur tout âge, sur toute allure et sur toute vitesse. Donc les femmes, elles arrivent à mieux gérer leur allure. Pour moi, c'est pas très étonnant parce que moi, en fait, j'ai du mal à changer l'allure, justement. Je retombe toujours dans le même rythme, même si j'essaie d'aller plus vite, même sur les courses, enfin les petites distances. Moi, à 5, 10, 20 km, j'ai toujours à peu près la même Oui, c'est vrai allure. en plus. Tu cours un 5 km à la même allure qu'un semi. Voilà. Et quand on a fait le 20 km à Béobé, je pense que j'ai commencé plutôt lentement. Ah oui. Ouais. Mais j'étais très consciente du fait que je voulais pas partir trop Oui. vite. Parce que bon, Oui. il faut retenir un peu enfin, les énergies pour la fin. Tout à fait. Ouais. Donc, ce Barry Smith aussi, il dit que si tu cours avec un meneur d'allure ou dans un groupe près d'un meneur, tu as 5 fois plus de chances d'avoir une allure régulière par rapport à ceux qui ne le font pas. Donc, ça vaut vraiment le coup de rester, de se coller à un meneur d'allure qui est souvent indiqué par le drapeau, le ballon gonflable derrière lui. Bon, ça me paraît logique et Oui. en plus, bon, ils font un très bon travail, ces personnes-là Ah, tout à fait. C'est pas évident de garder à une même allure, surtout s'il y a des gens qui dépendent de toi. Ouais, exactement. C'est compliqué. Donc, il a aussi parlé du mur, de frapper le mur, le fameux mur. Donc, selon la définition de Barry Smith, frapper le mur signifie une baisse d'allure entre les premiers 21 km et le deuxième de 33%. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire la deuxième semi 33% moins vite que le premier. Donc, selon lui, chez les hommes, ceux qui courent un marathon en 4 heures, il y a 10% qui vont frapper le mur. Ceux qui courent un marathon en 5 heures, il y a 25% qui frappent le mur. Donc, ça, c'est chez les hommes. Et chez les femmes, c'est assez frappant comme chiffre. Pour les femmes qui finissent en 4 heures, il n'y a que 2% des femmes qui finissent en 4 heures qui frappent le mur. Par rapport à 10% de mecs. Et pour les femmes qui finissent en 5 heures, il n'y a que 7% par rapport à 25% d'hommes. Donc, elles sont mieux organisées, c'est ça? Je sais pas, je ne sais pas comment expliquer ça, je sais pas comment expliquer ce phénomène. Mais les femmes, elles frappent le mur moins parce qu'elles ont une allure beaucoup plus régulière. Mais c'est peut-être aussi dans les gènes, parce que enfin, historiquement, les hommes, c'était les chasseurs, donc pour chasser enfin, les bêtes ou les choses pour manger, il fallait courir très très vite, puis s'arrêter, se cacher, et puis repartir. Et peut-être pour les femmes, avec l'accouchement, les choses d'endurance, enfin, quand on commence un accouchement, on n'a pas le choix de juste, ah ouais, j'ai plus envie, ben, il faut terminer le travail. Donc je sais pas, s'il y a un lien Ouais, ou quelque chose. c'est intéressant comme théorie. Moi, je suis plutôt du fait que c'est plutôt l'ego Ah ouais. masculin. Tu vois, il y a un gars plus âgé qui te double et tu dis, ah, c'est pas possible que lui me double, je vais attaquer, je vais accélérer pour qu'il me dépasse pas. Et surtout, s'il y a une femme qui passe, tu vas pas être gêné du fait qu'une femme te double. Ah oui, donc là, t'es en train de dire qu'une femme qui te passe, ça se gêne, Ah quoi. bah moi non, bien Ah oui, bah entendu. Bien sûr que toi, non, moi. évidemment que non. Mais il y a chez certains hommes, Ah bon, oui, ça se certains, peut oui. qu'il y ait D'accord. ce sentiment d'ego. On va J'ai dire. compris, ouais. Donc, en conclusion, pour cette partie de frapper le mur, Barry Smith dit que 70% des coureurs qui frappent le mur courent les 5 premiers kilomètres les plus rapides. Donc, c'est-à-dire que leurs 5 premiers kilomètres ont été la partie la plus rapide de leur course. Donc, 70%. Donc, il y a bien intérêt à bien gérer la première partie du marathon. Donc, à la fin de son étude, Barry a donné 5 astuces pour bien démarrer et bien terminer un marathon dans des bonnes conditions. Donc, premièrement, ne démarre pas trop vite. Ça me paraît Logique. logique, tout à fait logique. Deuxièmement, se coller à un meneur d'allure. Ça me paraît aussi logique, mm-hmm. parce que lui va mieux gérer son allure que toi. Troisième, courir tout le marathon, du début à la fin, à une allure régulière. Donc, ce qui est aidé par le fait de se coller à mm-hmm. un menu d'allure. Et il dit que c'est assez marrant, si tu ne trouves pas de menu d'allure, trouve une femme. Qui va à l'allure que tu cherches. Peut-être, je ne sais pas, mais... ouais. C'est un bon conseil, ça. Ben oui. Donc, si je ne trouve pas de menu d'allure, à La Rochelle, je trouverai une femme. Bon, mais il faut juste espérer que celle-là, c'est quelqu'un qui va rester sur la même allure que le marathon et qui ne va pas faire trop vite au départ. Oui. Il faut bien choisir la femme. Hein. Oui, tout à fait. Et finalement, la cinquième astuce, il dit que plus tu fais de marathon, mieux tu géreras ton allure. Et ton marathon en général. Donc avec l'âge, avec l'expérience, tu vas mieux courir au bout de 3, 4, 5, 6 marathons que par rapport à ton premier. Mmh. Tu vas voir avec l'expérience d'avoir déjà fait un marathon, tu vas voir cette fois-ci si tu trouves des différences. Mais est-ce que tu penses que tu as frappé le mur la première fois? Enfin la dernière fois. Frapper le mur, je ne sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir eu un vrai mur devant moi. C'était plus un sentiment de perte graduelle d'énergie. Mm-hmm. Donc, mais bon, selon la définition de Barry Smith, je pense que la deuxième partie était largement plus lente que la première partie. Donc je pense que oui, en effet, j'ai dû frapper le mur. Mm-hmm. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir trop vite démarré. Enfin, on verra. On verra sur La Rochelle. Je ne sais pas si j'ai parlé déjà du fait que je fais La Rochelle. Ah bon? Ouais, j'avais oublié. Ouais. Je suis donc fan du parkrun et je vais régulièrement au parkrun Mont David à Gradignan, juste à côté de Bordeaux. Et cette semaine, j'ai eu l'occasion de faire une interview avec Aurélie Toledo, la directrice de parkrun Mont David. Donc c'est un footing tous les samedis matins à 9h à Mont David. Donc j'ai bien parlé avec Aurélie et je vous laisse découvrir notre interview. Donc je suis aujourd'hui avec Aurélie Toledo qui est directrice de parkrun Mont David à côté de Bordeaux. Donc bonjour Aurélie. Bonjour Scott. Quelques questions pour toi. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est que parkrun? Alors, parkrun, c'est un rassemblement qui a lieu tous les samedis à 9h, un peu partout dans le monde. Donc, ça permet en fait de se retrouver tous ensemble voilà, autour du sport. Il y a des parkrunners donc, qui sont là pour courir, marcher, trottiner et encadrés par une équipe de bénévoles. Donc, ça permet aussi le lien social puisqu'à la fin de chaque footing, en fait, on se retrouve pour une collation. Et donc, ça nous permet de parler, de se découvrir, de soutenir aussi au fil des semaines. Et donc voilà, c'est le sport et le lien social qui, on va dire, sont les points forts de parkrun. Ok. Et comment tu t'es trouvée directrice de parkrun à Mont David? Alors moi, en fait, ma meilleure amie, Anita, est la responsable de parkrun France. Donc du coup, j'ai voulu la soutenir pour ce projet et comme j'ai un parc magnifique juste à côté de chez moi, on s'est dit que pour un deuxième ou troisième parkrun en France, ça serait bien de l'ouvrir juste à côté. Et donc je me suis investie avec elle, on a créé le parkrun et depuis maintenant le 12 mars, il a lieu à Gradignan, voilà, au parkrun de Mont David. Super, et toi tu cours aussi? Non, je ne cours pas. Jamais? Non, moi je suis bénévole, je suis la responsable de footing. Donc j'aide à encadrer et tout ça, mais c'est vrai que je ne cours pas. Il faudrait que je m'y mette. Mmh, voilà. Tout à fait. Mais le fait d'être, enfin on va dire c'est comment dire. J'ai rencontré des gens et ça me suffit pour l'instant. D'accord. Ok. Très bien. Donc que signifie parkrun pour toi? Comme je l'ai dit, le lien social. C'est-à-dire que ça m'a permis déjà de m'investir dans quelque chose de récurrent, donc tous les samedis, mmh. de soutenir mon ami. Voilà, qui est très importante pour moi aussi Et puis ça m'a permis de te rencontrer, Scott, tout à de fait. Rencontrer ta famille, et puis de créer des amitiés comme ça au fil des mois. Parce que c'est vrai que moi, ça compte aussi pour moi de rencontrer des gens, de découvrir d'autres personnes. Non, c'est vrai que ce côté social, ouais, convivial, et puis en plus autour du sport, c'est voilà, c'est quelque chose de sain, et je trouve que c'est une bonne combinaison. Mmh. Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a un parkrunner typique ? Oula ! Est-ce qu'il y a un parkrunner typique ? Sincèrement, non. Il y a vraiment tout type de parkrunner. Il y a des gens qui marchent, qui viennent en famille, qui poussent leurs enfants dans la poussette, qui viennent avec leurs chiens, qui sont très aussi dans la performance, il y en a aussi. Mmh. Et d'autres qui se remettent au sport, soit pour maigrir, soit pour retrouver un style de vie un peu plus sain et équilibré. Donc ça va vraiment, il y a tous les profils, tous les âges, tout type de personnes. Ok. Donc quelqu'un qui aimerait venir, comment faire ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avant d'arriver sur place ? Généralement, bon, tout le monde peut venir. Il n'y a pas d'obligation particulière, pas d'inscription obligatoire, etc. Tout le monde peut venir tester plusieurs fois, une fois, il n'y a pas de souci. Après, s'il y a des gens qui préfèrent recevoir par temps leur participation, par mail, pardon, leur participation, ils peuvent s'inscrire sur le site parkrun.fr où il suffit, donc, par une simple inscription, ça génère un code barre unique qui permet à la fin du footing d'être scanné et de recevoir ensuite ses participations par mail, donc qui inclut les temps, l'historique, etc. Donc, ça permet d'avoir un suivi pour ceux que ça intéresse. Et c'est gratuit. C'est gratuit, totalement gratuit. Et on peut s'inscrire aussi en tant que bénévole. Il suffit juste de contacter le parkrun de référence et aussi s'inscrire sur parkrun.fr. Parce que c'est pareil avec le code barre. On peut être enregistré et avoir son historique en tant que bénévole sur divers postes. Donc voilà, c'est une vraie communauté. Si on veut y participer, c'est avec grand plaisir. Parfait. Donc, quel est le bilan de Parkrun de Mandalay depuis sa création ? C'était au mois de mars, c'est ça ? C'était au mois de mars, oui. Alors, au début, on a commencé très doucement, avec très peu de personnes, parce que le concept n'était vraiment pas connu en France. Ça commence petit à petit, c'est encore léger, mais on va avoir pas mal d'articles qui vont sortir aussi, donc j'espère que ça va nous booster. Mm-hmm. En France, il y a quand même 7 Parkrun qui existent. Celui de Gradignan, c'est vrai que c'est un des plus petits avec celui de Saint-André de Cubzac, les deux seuls de la Gironde. Mais on a un bon noyau, on va dire, avec des parkrunners qui viennent et des bénévoles aussi régulièrement, de plus en plus. Cet été, on a eu beaucoup d'étrangers à la Coupe du Monde, pas à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe. Voilà. Oui. Et du coup, ça a drainé pas mal d'étrangers. On avait des groupes de 20-30 personnes, ce qui était vraiment très sympa aussi. Il y avait une bonne ambiance. Et là, depuis la rentrée, on tourne à une dizaine de personnes, ce qui est aussi bien, mais de plus en plus de locaux, et ça, c'est très positif. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens du coin du qui viennent. Ça fait du bien. Très bien. Et que dirais-tu à quelqu'un qui hésite ou qui pense peut-être à faire son premier pas à prendre ? De tester. Le mieux, c'est de tester. C'est vrai que moi, je vais donner mon expérience. J'ai pas compris de suite le principe et le concept de parkrun. Il a fallu que j'aille sur place, que je joue un petit peu en tant que bénévole, parce que je ne cours pas. Donc, tu as fait ça à Saint-André-de-Cubzac ? J'ai fait ça à Saint-André-de-Cubzac, okay. Oui. Et j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance, que les gens étaient très investis, très sympathiques. Et le fait de se retrouver comme ça tous les samedis, c'est pas forcément régulier, mais les gens viennent librement. Donc, j'ai trouvé ça une idée assez sympathique. Et du coup, je ne sais plus la question. Je me suis perdue. Mais donc, c'était par rapport à... Au bilan, depuis mars. Ouais, c'est ça. Donc, j'espère que ça va grandir. Donc, du coup, quel est ton rêve pour Parkrun Mandalay ? Que ça grossisse de plus en plus. D'accord. Non, qu'il y ait aussi une belle équipe de bénévoles qui s'installe, qu'on puisse tourner. Mm-hmm. Oui, c'est important, les bénévoles. Oui, voilà. Sans les bénévoles, il n'y a pas Parkrun. Donc, il faut un encadrement. C'est pas contraignant. C'est une fois de temps en temps. Il n'y a pas d'obligation particulière. Mais la seule chose, c'est de baliser parce qu'il y a certains parkruns qui sont un peu plus compliqués au niveau du parcours. Mais voilà, okay. Tout simplement. Et finalement, quelle est la meilleure chose pour toi de parkrun? La meilleure chose pour moi, on va dire que ça m'a permis de... moi, personnellement, ça m'a permis de m'ouvrir, d'avoir la responsabilité de quelque chose. De prouver aussi mon amitié à Anita et de rencontrer des gens très sympathiques et adorables. D'accord, très bien. Donc, quelques petites questions un peu plus personnelles. Ah. Donc, à quand ta première participation en tant que coureuse? Ah là là, pas, quand tu vas la faire? Oui, il faut que je le fasse. Au moins un tour. Oui, au moins un tour. Allez. C'est-à-dire que oui, en endurance, je ne suis pas très bonne. Je suis bonne en vitesse, tout ça, mais... Oui, je t'ai vu faire un petit sprint de 100 mètres. Faut pas se moquer, mais... Non, je ne me moque pas. C'était très bien, en fait. Non, oui, c'est vrai. Mais non, il faut que j'y me mette, au moins pour me dire, j'ai fait un parkrun. Voilà. Okay. C'est promis. Très bien. J'y tiens. Oui. Tu insistes beaucoup. Et en fait, tu es aussi blogueuse. Donc, oui. Parle-moi un peu de ton blog, ce que tu fais. Alors, c'est un blog que j'ai depuis 2 ans, où je parle essentiellement de la Gironde, de Bordeaux. Je partage mes coups de cœur gastro, c'est-à-dire je parle beaucoup des restaurants qui me plaisent, des événements gastronomiques aussi, et aussi du tourisme, puisque à la base, je suis agent de voyage et que ça me manquait. Donc, d'accord. Du coup, j'ai voulu... partager aussi ma passion, parce que j'aime visiter, j'aime découvrir les choses, je suis très curieuse, et surtout dans la région, on a quand même pas mal de choses à faire et à voir. Donc voilà, ça me permet de faire partager mes passions et mes coups de cœur. Et tu es blogueuse depuis quand? Depuis 2 ans. D'accord. Voilà, depuis 2 ans, ça faisait un moment que je voulais le faire, parce que ma mère est aussi blogueuse, mais depuis plus de 8 ans, je crois. Ah oui. Plus sur la cuisine et les loisirs créatifs, la pâtisserie surtout. Mais moi, j'avais du mal à essayer de trouver aussi des sujets intéressants, et puis de me dire que ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Puis je me suis lancée, puis petit à petit, ça a grandi. Et voilà, encore une fois, encore une expérience qui m'a permis de rencontrer aussi plein de gens, de développer un réseau et de découvrir et de participer à plein d'événements. C'est super. Ouais, c'est un vrai enrichissement. C'est d'accord. Vrai. Ouais. Et tu as des projets à venir Eh bien, là, 2017, je me suis lancée en freelance pour tout ce qui est rédaction web, community d'accord. management, tout ça. Okay. Donc, à voir comment ça... Voilà, sur des missions qui viennent compléter un petit peu mon quotidien. Et puis après, à voir. Je pense que 2017 sera sympa. Très bien. OK. Voilà. Parfait, je te remercie beaucoup pour cette rencontre. Merci pour l'expérience. Et sûrement au samedi, pas samedi prochain, au samedi d'après. Avec plaisir. Merci. Merci. Donc, nous avions ce week-end dans la maison une amie anglaise qui était là pour le week-end. Et nous avons décidé de l'emmener avec nous au parkrun au parc Mondavit à Gardignan. Donc, Brina, c'était ton premier parkrun ou est-ce que tu avais déjà fait quelque chose de similaire en Angleterre? Oui, c'était le premier parkrun que j'ai fait. Donc, j'ai déjà fait plusieurs 10 km dans le passé à travers de Londres. C'est le British 10K qui a lieu tous les juillet à Londres. Et le dernier 10 km que j'ai fait, c'était autumn en 2015. J'ai fait à Leamington Spa en Angleterre et c'était 10 km dans le but. Donc, c'était pas très sympa, mais voilà. Ok, donc le parkrun, ça s'est bien passé. Tu en as pensé quoi? Donc, je m'entraîne jamais pour les courses que j'ai faites. Je ne l'ai jamais fait, je n'entraîne pas. Je ne suis pas trop sportif, mais quand même, je le fais parce que ça m'amuse de voir comment je vais être le lendemain. Et ça fait un peu mal aujourd'hui quand même. Oui, c'était sympa. Je n'avais jamais couru dans le bois, donc ça glissait un peu, mais ça va. Et c'était très sympa de rencontrer les nouvelles personnes que j'avais rencontrées, des amis de mes amis, quoi. C'est bien. Effectivement, c'était un peu boueux par terre hier. Oui, oui, oui. J'avais l'habitude après les 10 km, ça va. Oui, j'imagine. Donc, quelle était la meilleure partie, le meilleur aspect de parkrun? Donc, comme je t'ai déjà dit, c'était pour rencontrer des nouvelles personnes, mais en plus, je vois pas très souvent ma copine Claire, donc c'était sympa de la voir et de courir à côté d'elle. Et au début, je vois elle, et puis j'étais un peu très trop fatiguée, donc j'étais derrière elle. Et ça nous a aidé de courir assez vite. Ensemble, c'était vite pour moi de toute façon. Très bien. Donc, du coup, quand tu rentres en Angleterre, tu vas refaire un parkrun? Non, je suis désolée, je veux pas te décevoir, mais non, je pense pas. À 9 h le matin, le samedi, je dors normalement. Donc, non, ça c'est pas très probable. Mais en même temps, quand je rentre, je vais dire aux autres que c'était très sympa et c'est un bon moyen de rencontrer d'autres personnes quand on voyage. Donc, je vais faire la publicité pour Parkrun quand même. Ah bah c'est super. Effectivement, ça fait tôt le samedi matin, mais en même temps, ça permet de bien démarrer le week-end. Ah oui, excellent, merci. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite ou qui veut faire son premier parkrun? Donc c'est très facile, il faut s'inscrire sur parkrun.com, il faut imprimer le code qu'on vous donne, ça c'est très important, et puis on arrive sur le lieu. Il y a des affiches en indiquant où ça commence. Il y a une petite bande de personnes de toute façon qui vont faire le parkrun ensemble. Et voilà, on se présente. C'était très facile. C'est très bien aussi pour des gens qui voyagent pas mal, qui aimeraient bien rencontrer d'autres personnes qui sont souvent seules aussi, parce que peut-être que leurs amis comme moi, ils courent pas. Donc, bien qu'on parle pas peut-être les autres langages, le langage de la course, si tu veux. Tout le monde court et de toute façon, on parle pas trop quand on court. Ça veut dire que tu as le même intérêt que d'autres personnes que tu n'as jamais rencontrées, mais quand même que tu fais déjà quelque chose qui est sympa, qui va te faire découvrir une autre partie de la ville où tu restes. Donc ça, c'est sympa, mais pour des gens qui habitent toujours dans le même village ou ville, c'est sympa parce qu'on se voit tous les samedis. Dans ce cas-là, on fait tous la même chose qu'on aime ensemble, mais quand même, peut-être que tu vas pas voir les gens d'une samedi à un autre, mais c'est bien de se voir tous les samedis en faisant la même chose qu'on a un intérêt en commun, quoi. Oui, tout à fait. Non, Donc c'est vrai voilà. que la partie sociale, c'est autant important que la partie sportive, Oui. course à pied, tout à Oui, fait. oui, Ok, très bien. Bah, je pense que la prochaine fois, on fera ensemble ou pas oui. un parkrun à Bordeaux. Et sinon, peut-être tu changeras d'avis et Oui, tu vas courir merci. en Angleterre. Merci beaucoup, Merci. merci. Bye bye. Donc, quoi de neuf dans le monde de la course à pied dans le sud-ouest de la France? Alors, j'ai un ami avec qui je m'entraîne de temps en temps, Olivier, qui a participé au X-Cross Eliminator à Bordeaux le 29 octobre. Et il a fait un très bon parcours. Et c'est en fait c'est un événement sur 300-400 mètres en trail. Et lui, il a fait un super prestation. Il a pris une deuxième place. Donc il est parti avec un bel trophée et vachement content de sa journée. Le marathon des villages de Cap-Ferret a eu lieu il y a quelques semaines. Et mon pote Mickey, il a couru son premier marathon. Et en fait, c'est pas un marathon facile. Il y a des montées, des descentes, et tout à la fin, il y a une montée d'une centaine de marches, tout à la fin, à la 39e, 40e kilomètre. Et lui, il a fini son premier marathon en 3h43. Donc vraiment chapeau, c'est un super temps, surtout pour un premier marathon. Il y avait aussi le week-end dernier la BOB Saint-Sébastien, que j'ai fait avec Claire l'année dernière. Et que j'avais fait, c'était mon premier, on va dire, semi-marathon, malgré le fait que ça fait que. C'est un peu en dessous de 21 km, c'est 20 km et quelques. Donc, c'est vraiment un super course. Et lui, il a fini en 1h28. Donc, il a pas tout à fait fait un record personnel. Je pense que son record, c'est dans les 1h26. Mais il s'était blessé un peu avant et c'était même pas sûr qu'il allait pouvoir faire la BOB. Donc, il était plutôt satisfait de son temps de 1h28. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi-même récemment? Donc, j'ai continué mon programme pour le marathon de La Rochelle qui a lieu en moins d'une semaine. Donc, le 27 novembre, dimanche 27, je vais faire avec mon copain Mathieu, on va faire le marathon de La Rochelle. Donc, je pense être prêt. Je suivi d'assez près le programme. Je suis parti un long week-end en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, et j'ai couru à côté de chez mes parents à Cannock Chase. C'est un endroit très très beau, c'est vallonné, il y a des belles côtes à monter et à descendre. Donc j'ai fait deux sorties là-bas et j'ai eu le plaisir d'aller en Écosse pour le mariage de ma cousine. Et j'ai fait une belle sortie dans les collines au sud de l'Écosse. Et c'était vraiment dur. Vraiment, les côtes qui fait travailler les poumons et les cuisses, les mollets. Donc j'étais bien, bien content d'avoir pu sortir trois fois. En fait, avec une sortie avant de partir à Bordeaux, j'ai réussi à faire 3 jours, 3 sorties en 3 pays. Donc plutôt rigolo, plutôt content. J'ai fait aussi dans le cadre de mon programme avec Mathieu, on a fait les 10 km des quais de Bordeaux le 11 novembre. Il y avait un monde fou, on était 4000 coureurs. Et il a fait un temps plutôt clément. Et j'ai bien couru, j'ai fait un record perso de très loin. Je l'ai battu le record précédent de presque entre 1 minute 30 et 2 minutes. Et j'ai aussi pu faire une sortie de 30 km. Donc je me sens prêt pour La Rochelle et il reste qu'à faire les 42 km. On verra comment ça se passe, mais je me sens à peu près prêt. Ensuite, les événements à venir en France. Donc j'ai La Rochelle. Comme j'ai dit, le 27 novembre, le 2 et le 3 décembre, il y a des événements courir pour tel étang, un peu partout en France. Je pense qu'il y a des courses allant de 4 km jusqu'à 18. Donc je pense qu'il va y avoir un paquet de coureurs qui courent pour cet événement caritatif. Dans le sud-ouest de la France, dans le Médoc, à côté de Bordeaux, le 11 décembre, il y a la course des Pères Noël. Donc je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai vu sur Internet, ça a l'air assez rigolo. Donc c'est 11 km déguisé en Père Noël. Ça a l'air assez sympa. Donc peut-être à faire l'année prochaine, on verra. Le 10 décembre, il devait y avoir la même chose, la corrida des Pères Noël en Poitou-Charentes, une course de 8 km. Mais malheureusement, ça a été annulé cette année. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas plus de détails, mais il n'y a plus cette course qui va avoir lieu. Bon, c'est la fin du podcast. J'espère que vous avez aimé les différentes interviews que j'ai faites. D'ici la prochaine fois, j'aurai fait, j'espère de manière réussie, le marathon de La Rochelle. Donc je vais pouvoir faire un petit debriefing de comment ça s'est passé et puis commencer à parler un peu de l'année 2017 et puis les événements à venir en début 2017 et puis tout ce qui va avec. Donc merci beaucoup et si vous avez envie d'écouter le podcast en anglais, n'hésitez pas, c'est sur le site. Et donc je vous souhaite bonne course et à très bientôt. Bye.